Du coup, on va redire rapidement ce qui a été dit pas mal de fois dans les assemblées générales qui sont tenues à la fac aujourd'hui, ces derniers temps, sur une réforme là, qui est en discussion et qui va être présentée officiellement bah, du coup, dans 2 jours, si je me trompe pas. L'idée, c'est qu'il va y avoir une transformation majeure qui ne va pas seulement toucher l'université. L'idée, justement, c'est de clairement porter la question au-delà de cet espace-là. Ça commence par la mise en place de critères qui sont liés à ce qu'ils appellent les filières en tension. D'ailleurs, ça fait un peu écho au secteur en tension dans le cadre de Pôle emploi. C'est en fait l'idée que dans les filières qui sont saturées au niveau des effectifs et où il y a des problèmes budgétaires, bah en fait, ces filières-là, qui sont des filières aujourd'hui, c'est bio, STAPS, psycho, etc., des filières qui sont complètement ordinaires à la fac, et ben en fait, cette nécessité de faire le tri à l'entrée va s'imposer par le manque de moyens. Et donc, la fac va estimer que dans ce cadre-là, elle peut poser un certain nombre de critères. Alors, juste pour expliquer, là, il y a eu une budgétisation qui s'est faite sur les prochaines années pour le sauvetage de l'université. Les besoins, ils s'estiment en milliards d'euros chaque année. Et là, les budgets qui sont proposés, ils sont de l'ordre de, je ne sais plus, il disait 500 millions sur 5 ans, alors qu'il faudrait plusieurs milliards par an. Et donc, c'est évident qu'en fait, toutes les filières ont vocation à passer en tension. Donc là, concrètement, du coup, ce sera pas un système spécifique, ce sera pas dans un contexte de crise temporaire et passager, ce sera évidemment généralisé à l'ensemble de l'université. En gros, ce qu'ils vont essayer de mettre en place, c'est que pour les filières en tension, c'est les lycées qui vont décider si oui ou non les dossiers des lycéens ils vont être présentés à l'université. En gros, au lycée, il y a 3 trimestres, bon, pour ceux qui étaient peut-être il y a longtemps, il y a 3 trimestres, et en fait, il y a des conseils de classe à la fin de chaque trimestre, et l'ancien fonctionnement pour aller à la fac, c'était juste d'avoir son bac, et c'était le critère d'entrée à la fac, quoi. Alors que maintenant, en fait, le premier trimestre, ça va être une observation, et l'élève va pouvoir commencer à faire ses vœux. Le conseil de classe du deuxième trimestre, en gros, les profs, ils vont émettre des conseils et des observations pour essayer de rediriger l'élève. Donc par exemple, un élève qui serait un peu en mode chahut, mais qui dit « moi je vais aller à la fac, donc je m'en bats les couilles d'être en mode chahut, ce qui compte c'est que j'ai mon bac », ils lui diront peut-être « bah ouais, t'as peut-être pas les notes, t'as peut-être pas le dossier, donc bah, plutôt de te rediriger vers une autre filière que la fac ». Et en fait, le troisième trimestre, le conseil de classe va décider si oui ou non ils soumettent le dossier de l'élève à la fac. Donc là, en fait, on est en présence d'une réforme qui va faire en sorte que les lycéens, ils vont être de plus en plus soumis à la direction de leur lycée avec un devoir de bien se comporter en cours, d'avoir des bons rapports avec les profs. Et pire que ça, les activités extrascolaires, les voyages humanitaires à la con, ça va jouer sur le dossier des élèves. Par exemple, pour aller à la fac, si tu as fait un voyage humanitaire, par exemple, eh ben, ça pourra jouer. Et toutes les activités extrascolaires qui sont considérées comme valorisantes, genre si tu as fait du cheval, bah, ça pourra jouer pour aller à la fac, quoi. Où ils avaient mis si tu démontres des capacités scientifiques. C'est les cours du soir, c'est les ateliers en plus. Donc en fait, c'est la mise en place de tout un système où les élèves, en fait, tout ce qu'ils font en bonus, en extrascolaire, sera survalorisé. Ce qui veut dire, en gros, un budget supplémentaire pour les parents. Ça veut dire une attitude plus ou moins conforme aux normes sociales, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que bah, le flicage au lycée, il va s'intensifier de plus en plus parce que du coup, les élèves, ils vont devoir de rentrer dans le rang alors qu'il y avait plein d'élèves au lycée qui étaient en mode bon, « bah, je m'en bats les couilles, j'irai à la fac » ou qui faisaient ça en mode « bah, de toute façon, j'ai mon bac et je m'en fous du dossier » alors que là, le dossier va être déterminant pour chaque élève. Donc, c'est un resserrage de vis qui est énorme au niveau du lycée où bah, il va y avoir une remise dans le rang de plein de lycées en fait. Ce matin, par exemple, il y a eu une mobilisation du lycée Jean Massé en face de la préfecture pour lutter contre l'expulsion d'une famille de Géorgiens, et dont 2 élèves qui sont dans l'établissement, qui s'appelle Alex et Georgie. Et du coup, en fait, les discussions qu'il y a eu devant la préfecture, elles étaient hallucinantes avec eux. Tout ce qui nous a été dit quand nous on est passé, qu'on discutait sur les liens qu'on pouvait construire, même par exemple sur le fait qu'ils passent ce soir ou aux prochaines AG, comment la mobilisation allait continuer, c'était en fait, là on est en train de se faire serrer la vis puissance 1000 déjà depuis la fin de la loi travail par les chefs d'établissement, mais aussi maintenant par les profs qui commencent à parler ces histoires de dossiers, ces histoires de sélection. Et bon, autant nous, quand on a distribué des tracts contre la sélection dans certains établissements, on est tombé sur des réactions assez hallucinantes où des lycéens disaient « Mais moi, je suis pour la sélection, de toute façon, c'est une hypocrisie, les gens, ils finissent par s'en aller à la fac. » Mais il y a aussi une espèce de méconnaissance de ce que c'est la garantie que produit le fait d'aller à l'université, même en termes de bourse, même en termes de logement, de statut, de protection, etc. Bon, après, on peut évidemment revenir sur le fait que la fac était déjà une forme de tri social et qu'il ne s'agit pas de défendre ce modèle-là avant tout. Mais en réalité, là, il y a un cassage, même dans le discours des enseignants et des chefs d'établissement, qui passe par le fait de décrédibiliser complètement l'université et de dire, voilà, la nécessité, là, c'est faut sélectionner pour que seuls les gens qui ont vraiment une attitude, une responsabilité, parce qu'évidemment, à 16, 17 ou 18 ans, on est déjà carriériste, en fait. C'est ça la logique qui est à l'œuvre. Et ben, ça soit opérationnel, quoi. Ouais. Et sinon, sur la fac elle-même, c'est le projet, c'est de mettre en place un dossier pédagogique, qui est un truc un peu mystérieux, là, qui va être un peu plus éclairci dans deux jours, là, qui a vocation, en fait, à établir si l'élève correspond aux attentes pédagogiques, donc de l'ensemble de son UFR, et qui vise, en fait, à réorienter très rapidement les élèves pour éviter, pour faire un écrémage qui est assumé au niveau du comportement en classe, etc. Il y a beaucoup de choses autour de l'absentéisme et de la participation en cours, qui est un enjeu un peu important. Et ce qui est visé, c'est évidemment les bourses. C'est-à-dire, si on n'a pas une attitude conforme au niveau pédagogique, eh ben, la sanction va être de ne pas passer à l'année suivante et surtout de se faire sanctionner beaucoup plus rapidement au niveau du CROUS sur les aides universitaires, ce qui veut dire les aides mensuelles, mais aussi le logement, etc. Et en gros, là, bah, pour moi, ce qui se dessine avec la sélection à l'université, c'est que tout à l'heure, la camarade, elle a dit que les intérimaires, ils se font taper dessus aussi assez sec. Et en fait, je pense que la sélection à l'université, ça va entraîner aussi une arrivée sur le marché du travail de plein de jeunes qui vont devoir choper des emplois précaires pour survivre parce qu'ils auront plus les bourses ou une sorte d'être assuré d'avoir les bourses et, par exemple, les appels à la fac. En gros, moi, je pense qu'il y aura une arrivée massive d'intérimaires sur le marché du travail. Et en fait, ça va peut-être lier ce qu'il va dire le camarade après, c'est que les intérimaires, peut-être j'aurais dû passer avant, mais en fait, les intérimaires de maintenant, c'est ceux aussi qui vont remplacer les grévistes de demain, en fait. Les gens qui font l'intérim maintenant, c'est aussi des gens qui vont remplacer les grévistes parce que les boîtes, elles vont pas hésiter à appeler des intérimaires pour remplacer les grévistes. Ou des auto-entrepreneurs. Et ouais, genre en mode Deliveroo, un truc comme ça. Et du coup, le truc qui est intéressant, c'est que, eh ben, ils vont faire avec la sélection à l'université, de faire en sorte qu'il y ait une main-d'œuvre. Peu qualifiés et qui est une main-d'œuvre très précaire, qui pourra remplacer les grévistes. Donc, moi, je pense qu'il y a une sorte de projet global, en fait, de taper un peu partout, mais au final, ça tape sur tout en même temps, quoi. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut facilement lier tout ensemble, parce que finalement, tout est lié, en fait.